tu m'as embarqué. C'est pas vraiment la bonne batterie. We'll be right back. Il a fatigué le batteur. J'ai dû me tromper, mais... C'est bon. Ça m'a merdé, je crois. Ah non, c'est pas 40. Thank you. le nom du preset là. Classique. Classique. We'll be right back.